Le maréchal Kim Jong-un a prononcé le 6 coran un discours à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée. Au nom de tout le peuple, il y a adressé les félicitations à tous les membres de l'Organisation des enfants du pays à l'occasion du 6 juin, journée de l'Organisation des enfants de Corée, et de continuer. La 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée sert d'occasion importante pour développer l'Organisation des enfants de Corée en formation honorée des noms de Kim Il-sung et Kim Jong-il. L'Organisation des enfants de Corée est une formation révolutionnaire du thé fondée et soignée par les généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il et une organisation politique de masse pour la formation des enfants coréens en continuateurs de la révolution et en relève du parti et de l'union de la jeunesse. L'Organisation des enfants de Corée doit sa gloire et sa fierté à l'idée du mouvement original des enfants et à la victoire de la brillante direction des généralissimes qui ont aimé le plus les enfants et se sont sacrifiés entièrement pour la postérité. À la suite de la 7e conférence de l'Organisation des enfants de Corée, les structures de l'organisation du pays et des millions de ses membres ont ces 4 dernières années partagé les moments du progrès de la patrie en développement miraculeux et appliquer parfaitement le serment prêté devant le drapeau de leur organisation. Grâce à l'Organisation des enfants de Corée qui continue invariablement l'âme du Baekdu, l'avenir de la révolution du thé et de la nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il est infiniment radieux et prometteur. Le développement de l'Organisation des enfants de Corée en rang éternel des enfants Kim Il-sung et Kim Jong-il et du Parti du Travail de Corée et la formation de tous ses membres en fils et filles authentiques de la patrie socialiste, enfants révolutionnaires, sont la tâche primordiale imposée devant les structures de l'Organisation des enfants de Corée. Les membres de l'Organisation des enfants doivent devenir enfants fidèles révolutionnaires qui savent la grandeur du parti et du leader et la valeur précieuse de la patrie, déterminés à se sacrifier entièrement pour la patrie et la révolution. Ils doivent toujours être conscients des bienfaits immenses des généralissimes qui leur ont fourni une vie heureuse sans rien envier au monde et les considérer avec fidélité comme éternel soleil tuté. Conscients que le foulard rouge de l'Organisation des enfants est une partie du drapeau du Parti du Travail de Corée et que leurs rêves et idéaux ne sont réalisables que sous le drapeau du Parti du Travail, les membres de l'Organisation des enfants doivent penser et vivre en tout temps et en tout lieu selon la volonté de notre parti. Les membres de l'Organisation des enfants doivent apprendre les nobles exemples de nos aînés révolutionnaires et héros afin de devenir tous révolutionnaires et héros patriotiques. La tâche révolutionnaire primordiale des membres de l'Organisation des enfants est de devenir hommes compétents révolutionnaires, doués des connaissances, de la moralité et de la robustesse physique et futurs maîtres de la puissance socialiste. Au lieu d'être enfants seulement choyés, ils doivent être enfants patriotes qui chérissent tous les biens du sol obtenus par les sangs et sueurs des aînés révolutionnaires et cultivant eux-mêmes les arbres et herbes tout en s'inspirant profondément du patriotisme Kim Jong-il. Ils doivent apprendre le sens organisationnel et la discipline à travers la vie d'organisation des enfants et faire briller l'honneur du membre de l'organisation glorieuse des enfants Kim Il-sung et Kim Jong-il. Le maréchal Kim Jong-un s'est finalement exprimé convaincu que tous les membres de l'Organisation des enfants doivent arborer vivement le drapeau de leur organisation pour progresser dynamiquement suivant le parti afin de répondre parfaitement à l'attente de notre parti et de tout le peuple.